Chapitre 50. Plus encore que Madame Blanche, tante Homédie avait été épouvantée de la visite si extraordinaire de Martial de Sermeuse au château de Courtaumieux. En 10 secondes, il lui passa par la cervelle plus d'idées qu'en 10 ans. Elle vit les gendarmes au château, sa nièce arrêtée, conduite à la prison de Montaignac et traduite en cour d'assises. Il est vrai que si elle n'eût eu que cela à craindre, mais elle-même, Médie, ne serait-elle pas compromise, soupçonnée de complicité, traînée devant les juges, et accusée, qui sait, d'être seule coupable? Incapable de supporter une plus longue incertitude, elle s'échappa de sa chambre, et, se glissant sur la pointe du pied dans le grand salon, elle alla coller son oreille à la porte du petit salon bleu, où elle entendait parler Blanche et Martial. Dès les 20 premiers mots qu'elle recueillit, la parente pauvre reconnut l'inanité de cette erreur. Elle respira, comme si sa poitrine eût été soulagée d'un poids énorme, longuement et délicieusement. Mais une idée venait de germer dans sa cervelle, qui devait poindre, bientôt grandir, s'épanouir et porter des fruits. Martial sortit, tante Médie ouvrit la porte de communication et entra dans le petit salon, avouant par ce seul fait qu'elle avait écouté. Jamais, la veille seulement, elle n'eût osé une énormité pareille. Mais son audace, pour cette fois, fut absolument irréfléchie. « Eh bien, Blanche, dit-elle, nous en sommes quittes pour la peur. » La jeune femme ne répondit pas. Encore sous le coup de sa terrible émotion, toute saisie des façons de Martial, elle réfléchissait, s'efforçant de déterminer les conséquences probables de tous ces événements, qui se succédait avec une foudroyante rapidité. « Peut-être l'heure de ma revanche va-t-elle sonner ?» murmura Madame Blanche, se parlant à soi-même. « Hein, tu dis ?» interrogea curieusement la parente pauvre. « Je dis, tante, qu'avant 1 mois je serai marquise de Sermeuse autrement que de nom. Mon mari me sera revenu, et alors ? Oh, alors ?» Dieu t'entende, fit hypocritement tante Médie. Au fond, elle croyait peu à la prédiction, et qu'elle se réalisa ou non, peu lui importait. « Encore une preuve, reprit-elle tout bas de ce ton que prennent 2 complices quand ils parlent de leur crime, encore une preuve que ta jalousie s'est trompée, là-bas, à la Borderie, et que ce que tu as fait était inutile. » Telle avait été, telle n'était plus la vie de Madame Blanche. Elle hocha la tête et de l'air le plus sombre. « C'est au contraire. « Ce qui s'est passé là-bas qui me ramène mon mari, » répondit-elle. « J'y vois clair à 7 heures. C'est vrai, Marianne n'était pas la maîtresse de Martial. Mais Martial l'aimait. Il l'aimait, et les résistances qu'il avait rencontrées avaient exalté sa passion jusqu'au délire. C'est bien pour cette créature qu'il m'avait abandonnée, et jamais, tant qu'elle eût vécu, il n'eût seulement pensé à moi. Son émotion en me voyant, c'était un reste de son émotion quand il a vu l'autre. Son attendrissement n'était qu'une expression de sa douleur. Quoi qu'il advienne, je n'aurai que les restes de cette créature, que ce qu'elle a dédaigné. » Ses yeux flamboyaient. Elle frappa du pied avec une indicible rage. « Et je regretterai ce que j'ai fait » s'écria-t-elle. « Jamais, non, jamais !» Ce jour-là, en ce moment, elle eut recommencé, elle eut tout bravé. Mais des transes terribles l'assaillirent quand elle apprit que la justice venait de commencer une enquête. Il était venu de Montaignac le procureur du roi et un juge, qui interrogeaient quantité de témoins, et une 12aine d'hommes de la police se livraient aux plus minutieuses investigations. On parlait même de faire venir de Paris un de ses agents au flair subtil, rompu à déjouer toutes les ruses du crime. Tante Médie en perdait la tête, et ses frayeurs, à certains moments, étaient si évidentes que Madame Blanche s'en inquiéta. « Tu finiras par nous trahir, tante, » lui dit-elle. « Ah, c'est plus fort que moi. Ne sors plus de ta chambre en ce cas. » « Oui, ce serait plus prudent. Tu te diras un peu souffrante, on te servira chez toi. » Le visage de la parente pauvre s'épanouissait. « C'est cela, » approuva-t-elle en battant des mains, « c'est cela. » Véritablement, elle était ravie. Être servie chez soi, dans sa chambre, dans son lit le matin, sur une petite table au coin du feu le soir. Cela avait été longtemps le rêve et l'ambition de la parente pauvre. Mais le moyen, deux ou trois fois, étant un peu indisposée. Elle avait osé demander qu'on lui montât ses repas, mais elle avait été vertement repoussée. « Si tante Médie a faim, elle descendra se mettre à table avec nous, » avait répondu Madame Blanche. « Qu'est-ce que ces fantaisies ?» Positivement, c'est ainsi qu'on la traitait dans ce château, où il y avait toujours 10 domestiques à bailler aux corneilles. Tandis que maintenant, tous les matins, sur l'ordre formel de Madame Blanche, le cuisinier montait prendre les ordres de tante Médie, et il ne tenait qu'à elle de dicter le menu de la journée et de se commander les plats qu'elle aimait. Et la tante Médie trouvait ça excellent d'être ainsi soignée, choyée, mignotée et dorlotée. Elle se délectait dans ce bien-être, comme un pauvre diable dans des draps bien blancs, sans être resté des mois sans coucher dans un lit. Et sa jouissance nouvelle faisait naître en elle quantité de pensées étranges, et lui enlevait beaucoup des regrets qu'elle avait du crime de la Borderie. L'enquête, cependant, était le sujet de toutes ses conversations avec sa nièce. Elles en avaient des nouvelles fort exactes par le sommelier de Courtaumieux, grand amateur de choses judiciaires, qui avait trouvé dans sa cave le secret de se faufiler parmi les agents venus de Montaignac. Par lui, elles surent que toutes les charges pesaient sur défunt Chupin. Ne l'avait-on pas aperçu, le soir du crime, rôdant autour de la Borderie? Le témoignage du jeune paysan qui avait prévenu Jean Lachenaire paraissait décisif. Quant au mobile de Chupin, on le connaissait, pensait-on. 20 personnes l'avaient entendu déclarer, avec d'affreux jurons, qu'il ne serait pas tranquille tant qu'il resterait un Lachenaire sur la terre. Ainsi, tout ce qui eût dû perdre Madame Blanche la sauva, et la mort du vieux maraudeur lui parut véritablement providentielle. Pouvait-elle soupçonner que Chupin avait eu le temps de révéler son secret avant de mourir? Le jour où le sommelier lui dit que juges et agents de police venaient de repartir pour Montaignac, elle eut grand-peine à dissimuler sa joie. « Plus rien à craindre, » répétait-elle à tante Médie. « Plus rien !» Elle échappait, en effet, à la justice des hommes. Restait la justice de Dieu. Quelques semaines plus tôt, cette idée de la justice de Dieu eut peut-être amené un sourire sur les lèvres de Madame Blanche. Femme positive, s'il en fut, un peu esprit fort, même, à ce qu'elle prétendait. Elle eût traité cette incompréhensible justice de lieu commun de morale, ou encore d'épouvantail ingénieux imaginé pour contenir dans les limites du devoir les consciences timorées. Le lendemain de son crime, elle haussait presque les épaules en songeant aux menaces de Marie-Anne mourante. Elle se souvenait de son serment, mais elle n'était plus disposée à le tenir. Elle avait réfléchi, et elle avait vu à quel péril elle s'exposerait en faisant rechercher l'enfant de Marie-Anne. « Le père saura bien le retrouver, » songeait-elle. Ce que valaient les menaces de sa victime, elle devait l'éprouver le soir même. Brisée de fatigue, elle s'était retirée dans sa chambre de fort bonne heure, et au lieu de lire comme elle en avait l'habitude, elle éteignit sa bougie dès qu'elle fut couchée en se disant « Il faut dormir ». Mais c'en était fait du repos de ses nuits. Son crime se représentait à sa pensée, et elle en jugeait l'horreur et l'atrocité. Elle se percevait double, pour ainsi dire. Elle se sentait dans son lit à Courtaumieux, et cependant, il lui semblait être là-bas, dans la maison de Chanlouineau, versant le poison, puis ensuite épiant ses effets cachés dans le cabinet de toilette. Elle luttait, elle dépensait toute la puissance de sa volonté pour écarter ses souvenirs odieux, quand elle crut entendre grincer une clé dans la serrure. Brusquement, elle se dressa sur ses oreillers. Alors, aux lueurs pâles de sa veilleuse, elle crut voir sa porte s'ouvrir lentement, sans bruit. Marie-Anne entrait. Elle s'avançait. Elle glissait plutôt comme une ombre. Arrivée à un fauteuil en face du lit, elle s'assit. Et de grosses larmes roulaient le long de ses joues, et elle regardait d'un air triste et menaçant à la fois. L'empoisonneuse sous ses couvertures était baignée d'une sueur glacée. Pour elle, ce n'était pas une apparition vaine, c'était une effroyable réalité. Mais elle n'était pas d'une nature à subir sans résistance une telle impression. Elle secoua la stupeur qui l'envahissait, et elle se mit à se raisonner tout haut, comme si le son de sa voix eût dû la rassurer. « Je rêve, » disait-elle, « est-ce que les morts reviennent ? Suis-je enfant de me laisser émouvoir ainsi par les fantômes ridicules de mon imagination ? Elle disait cela, mais le fantôme ne se dissipait pas. Elle fermait les yeux, mais elle le voyait à travers ses paupières. À travers ses draps qu'elle relevait sur sa tête, elle le voyait encore. Au petit jour seulement, Madame Blanche reposa. Et ce fut ainsi le lendemain, et le surlendemain encore, et toujours, et l'épouvante de chaque nuit s'augmentait des terreurs des nuits précédentes. Le jour, aux clartés du soleil, elle retrouvait sa bravoure et les forfanteries du scepticisme. Alors elle se raillait elle-même. « Avoir peur d'une chose qui n'existe pas, » se disait-elle. « Est-ce stupide ? Ce soir, je serai bien triomphée de mon absurde faiblesse. » Puis, le soir venu, toutes ces belles résolutions s'envolaient. La fièvre la reprenait, quand arrivaient les ténèbres avec leur cortège de spectres. Il est vrai que toutes les tortures de ces nuits, Madame Blanche les attribuait aux inquiétudes de la journée. Les gens de justice étaient encore à Sermeuse et elle tremblait. Que fallait-il pour que de Chupin on remontât jusqu'à elle ? Un rien, une circonstance insignifiante. Qu'un paysan l'eût rencontré avec Chupin lors de leur rendez-vous, et les soupçons étaient éveillés, et le juge d'instruction arrivait à Courtaumieux. L'enquête terminée, pensait-elle, j'oublierai. L'enquête finit, et elle n'oublia pas. Darvin l'a dit, c'est quand l'impunité leur est assurée que les grands coupables connaissent véritablement le remords. Madame Blanche devait justifier le dicton plus profond observateur du siècle. Et cependant, l'atroce supplice qu'elle endurait ne détournait pas sa volonté du but qu'elle s'était fixé le jour de la visite de Martial. Elle joua pour lui une si merveilleuse comédie que, touché, presque repentant, il revint 5 ou 6 fois et enfin, un soir, demanda à ne pas rentrer à Montaignac. Mais ni la joie de ce triomphe, ni les premiers étonnements du mariage n'avaient rendu la paix à Madame de Sermeuse. Entre ses lèvres et les lèvres de Martial se dressait encore, implacable épouvantement, le visage convulsé de Marianne. Il est vrai de dire que ce retour de son mari lui apportait une cruelle déception. Elle reconnut que cet homme, dont le cœur avait été brisé, n'offrait aucune prise et qu'elle n'aurait jamais sur lui la moindre influence. Et pour comble, elle avait ajouté à ses tortures déjà intolérables une angoisse plus poignante encore que toutes les autres. Parlant un soir de la mort de Marianne, il s'oublia et avoua hautement ses serments de vengeance. Il regrettait que Chupin fût mort, car il eût éprouvé, disait-il, une indicible jouissance à tenailler, à faire mourir lentement au milieu d'affreuses souffrances, le misérable empoisonneur. Il s'exprimait avec une violence inouïe, d'une voix où vibrait encore sa puissante passion. Et Madame Blanche se demandait quel serait son sort si jamais son mari venait à découvrir qu'elle était coupable. Et il pouvait le découvrir. C'est vers cette époque qu'elle commença à regretter de n'avoir pas tenu le serment fait à sa victime et qu'elle résolut de faire chercher l'enfant de Marianne. Mais pour cela, il fallait à toute force qu'elle habitât une grande ville, Paris par exemple, où, avec de l'argent, elle trouverait des agents habiles et discrets. Il ne s'agissait que de décider Martial. Le duc de Sermeuse aidant, ce ne fut pas difficile, et un matin, Madame Blanche, rayonnante, put dire à tante Médie, « Tante, nous partons d'aujourd'hui en 8. »